le temps, faut que je galope. Le lundi à Paris, le jeudi au Maroc. Sans respect, pas de lock, c'est fini, oui, oui, fini, fini. Lec, t'as pris du beef, shoot. Willy, Willy, Willy, Willy. On connaît le truc, beaucoup parlent en marge du système. Une villa pour maman et deux, trois femmes. De l'autre côté du périph', comme au Marcy. L'amour est à la haine, je le dis, tout va bien jusqu'ici. Ah, j'aime la France qu'ils détestent, ils nous jugent, on progresse. J'ai plus le temps qu'on me next. Ah, on se voit tous bronzés sur une playa. Virgin Mojito à côté d'une Rihanna.